Thank you. Qui réveille Je rêvais d'un autre monde. Et la vie serait féconde. Je dormais à poings fermés. Je ne voyais plus en pied. Je rêvais réalité. Je rêvais d'une autre terre. Une terre terre à terre. Et je voulais tout foutre en l'air. Je marchais les yeux fermés. Je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais réalité. Ma réalité. Je rêve d'un autre monde. Les ombres du monde à l'arrivée immobile, elle m'a trouvé bien futile. Et quand bouger m'a fait tourner. Danse, danse les ombres du monde. Ma parole, ma réalité, ma réalité, ma réalité. Ma réalité.